L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Katia Van den Stande. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir par ligne téléphonique Pascal Etchecopar, président du foyer rural à La Parade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'une fête qui va se dérouler à La Parade les 18, 19 et 20 août prochains. Et pour ces trois jours, plusieurs animations sont prévues. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais peut-être présentez-nous en quelques mots le foyer rural. Alors, le foyer rural, à la base, ça a été pour rassembler un petit peu toutes les associations qui existaient au niveau du bourg. En 1972, donc, a été décidé de rassembler tout le monde et de former une seule association qui s'appelle aujourd'hui le foyer rural. Donc aujourd'hui, cette association arrive à 45 ans. Donc ça compte déjà, c'est pas mal. Ça compte. Et vous-même, vous êtes président depuis combien d'années ? Moi, ça va faire, je pense que c'est la 3e ou 4e année, mais j'étais avant simplement bénévole. Et maintenant, vous avez donc la responsabilité d'être le président. Et parmi les différentes animations que vous proposez, il y aura donc la grande fête, je le disais, du week-end prochain. Parlez-nous justement de cette fête. C'est une fête qui revient chaque année ? Alors, c'est une fête qui revient chaque année le 3e week-end d'août. Donc cette année, ça tombe le 18, 19 et 20 août. Mais avant ça, si vous voulez, tout au long de l'année, il y a plusieurs activités, dont le théâtre, qui s'appelle Attitude 182, parce que la parade est située sur les hauteurs et à 182 mètres de hauteur, entre Castelmoron, Clairac et Gratteloup. L'association propose aussi de la gym le lundi soir à 19h. Nous faisons des randos. Dimanche dernier, il y a eu à peu près une centaine de participants. Des vide-greniers, de parents en général, dernier week-end d'août, et celui de la fête, de l'auto, en général à la fête et à l'ascension. Voilà un petit peu, je fais ma pub, hein. Vous avez raison. Arrêtons-nous sur la fête de ce week-end. Donc, beaucoup de choses prévues au programme. Oui. Alors, ça commence déjà le vendredi soir. Hein. Alors, le vendredi soir, il y a un super loto par notre petit rayon de soleil du village qui est Francette Pentagonie, qui fait chaque fois carton plein, quoi, en son loto. Les gens se déplacent pratiquement pour elle. Hein. Elle est aussi costumière, hein, je veux dire, s'il y a des gens qui veulent se costumer ou se déguiser, c'est aussi sa profession, costumière. Alors le loto démarrera à 21h, il se déroulera où précisément ? Alors le loto c'est 21h, salle des fêtes, c'est 1€ le carton et 10 cartons, je ne sais plus en fait les prix, mais c'est 1€ le carton. Très bien, il y a peut-être une réduction pour ceux qui prennent les 10 cartons. Au-delà de 10 cartons, je crois que c'est 12 cartons pour 10€, il y a quelque chose comme ça, quoi. Très bien, donc ça c'est le lancement de cette fête le vendredi soir à 21h, voilà. À ne pas manquer. Et puis ensuite, le samedi, que va-t-il Alors, se passer ? Le samedi, à partir de 19h, il y aura un karaoké animé par un bénévole, Olivier Volstignac. Donc de 19h à 21h, un petit karaoké pendant le repas. À 21h, jusqu'à 23h, il y aura un super concert avec le groupe Watt. Si vous voulez, je peux vous dire deux mots sur le groupe. Oui, bien sûr. Donc Watt, c'est un groupe composé de guitare, de voix, de percussions. Leur aventure musicale commune a commencé en 2012, dans la rue, sur les marchés, par des reprises de grands classiques du blues et du rock. Petit à petit, les compositions se sont faites plus nombreuses, entremêlant les influences blues, reggae, rock, jazz. Et le résultat, c'est une musique chaude et intimiste qui, à travers la voix alto de Winnie, les lignes mélodiques d'Armand et les rythmes boisés de Thibaut, fait résonner avec simplicité les émotions enfouies au plus profond d'eux. Donc ils ont fait un premier album Trip en 2014 et ils ont refait un deuxième album, Freaks, en 2016. Et là où je suis vraiment content, parce qu'ils commencent à prendre de l'ampleur, ils ont fait un tremplin à Carcassonne, et organisé par la SACEM. Ils ont gagné ce tremplin, et ils ont fait donc la première partie de Zazie, en 2016. Voilà. Donc ça devrait être sympa. Très bien, donc ça c'est le concert qui d'ailleurs sera gratuit le samedi soir. Concert gratuit, oui, tout est gratuit, à part bien sûr la restauration et la buvette. Pendant cette fête, tout ce que l'on propose est gratuit. Justement, vous avez parlé de repas samedi soir qui aura lieu juste après la soirée karaoké. Ça veut dire que donc les personnes pourront venir se restaurer sur place. Comment alors, ça va se passer? On propose plusieurs formules. Donc la première formule, ça peut être le sandwich de saucisses, merguez, les frites, le classique. Et après, on propose un plateau repas avec des légumes, fromage, un verre de vin, des frites, des grillades. Et le plateau sera aux alentours de 9 euros. Donc pour 9 euros, vous avez un repas complet. Un tarif tout à fait raisonnable. Oui, tout à fait. En plus de la restauration, il y aura bien sûr à côté un stand buvette. Il y aura une buvette, oui. Il y aura toutes les boissons qu'on veut, de la bière. Deux sortes de bières cette année. On tente le coup. Voilà. Voilà pour donc le programme du samedi 19 août. Rendez-vous donc à la parade. Je rappelle à nos auditeurs que nous accueillons aujourd'hui par ligne téléphonique Pascal Etchecopar, président du foyer rural de la parade, et qui nous parle donc de cette grande fête de la parade qui, je rappelle, aura lieu les 18, 19 et 20 août prochains. Alors on vient de passer en revue le programme du vendredi soir et du samedi. Passons maintenant à la journée du dimanche qui sera bien remplie. Alors le dimanche, oui, c'est bien rempli parce que ça va se faire à la fois sur la place de l'église et à la salle des fêtes. Donc place de l'église, de 7h à 18h, il y aura donc un vide-grenier. À 15h30, pendant ce vide-grenier aussi, il y aura un défilé de chars accompagné d'une bandas, Los Niños, c'est une bandas de Marmande. Je connais pas trop, mais je les ai suivis un petit peu dans les environs. Ils vont mettre un petit peu le feu dans le village. Et à 17h30, on aura un petit peu toujours pareil. Tout ça, c'est place de l'église, un spectacle de cirque proposé par Winkler. C'est une personne de Paris qui descend de temps en temps sur la parade et qui vit de son métier du cirque. Et donc, elle nous proposera pendant 45 minutes tout ce qu'elle peut faire parce qu'elle peut pas amener tout son matériel. Donc, elle nous proposera des choses sympas, mais voilà, ça sera au niveau du cirque. Juste pour revenir sur le vide de grenier, est-ce qu'éventuellement il reste encore de la place pour quelques inscriptions? Alors il reste de la place, là on a la chance parce que ça se fait sous la halle et sous chapiteau, donc même s'il y a un petit peu de mauvais temps, donc les gens, les premiers inscrits bien sûr seront à l'abri sous la halle et sous chapiteau, et c'est 2 euros le mètre. Voilà. Voilà, on donnera en fin d'émission les coordonnées pour pouvoir s'inscrire pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà pour déjà l'animation du dimanche, déjà dès le matin, puisque je crois que le vide-grenier démarre à 7h le matin. Ouais, 7h le matin. Ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'est place de l'église sous la halle. Et on fait un deuxième événement qui aura lieu à la salle des fêtes, et donc qui se trouve à peu près à 30 mètres de la halle. Et là, on fait la découverte du bien-être. Donc, il y aura plein de choses qui est en lien avec le bien-être. À 13h30, il y aura aussi une personne qui travaille au niveau du rire. Donc, les personnes intéressées pourront aller avec cette personne et fera un travail de bien-être autour du rire. Et il y aura aussi des expositions de photos. Et on a des fanas de photos et aussi un fanat de miniatures de cirque. Rien que lui seul, il peut remplir toute la salle des fêtes. Donc, il nous montrera simplement un petit échantillon. Voilà. Donc là, l'entrée pour l'expo et puis aussi pour le pôle bien-être, là aussi, c'est gratuit. Là, c'est gratuit aussi. Et pendant ce temps, donc là, la salle des fêtes, ça sera de 10h à 18h. Et pendant ce temps-là aussi, entre 11h et midi, il y aura une conférence par une naturopathe qui habite la parade et qui parlera d'alimentation, santé et environnement. Et à 14h, il y aura un relâché d'oiseaux par Laurent Joubert, qui fait partie de l'association Cépanlog, à Tonnins, qui recueille tout ce qui est oiseaux blessés et tout ça. Donc à 14h dimanche, il parlera de l'assaut, et il y aura un relâché de faucons et autres oiseaux. Voilà pour un programme, pour une fête bien animée, hein, durant ces 3 jours, les 18, 19 et 20 août à la parade. Alors j'imagine que toutes ces animations, et en tout cas toute cette fête, ces 3 jours de fête, l'objectif c'est de récupérer un petit peu aussi des sous pour le foyer rural ? Tout à fait. Simplement, par exemple, on a un fourgon pour le théâtre, on a eu 2000 euros de réparation pour le faire fonctionner. On a changé les lumières du théâtre, pareil, c'est 2000 euros. Donc tout ça, il faut trouver les sous. Tout à fait. Donc c'est l'occasion d'aider le foyer rural en venant à cette fête et en même temps se permettant de se divertir durant ces 3 jours. On rappelle bien sûr que l'accès à ces 3 jours est totalement gratuit. Juste la restauration et la buvette est payante, ce qui est normal. C'est aussi l'association qui gère la restauration et la buvette ? Tout à fait. Il faut se mobiliser et puis même ponctuellement, il peut y avoir des gens du village et des environs qui n'adhèrent pas forcément à l'association, mais qui viennent donner un coup de main ce jour-là. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la parade, un peu comme moi, on sait que c'est un petit village magnifique avec un superbe panorama. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi. Comment ça va se passer au niveau un petit peu de la gestion, de la sécurité, des véhicules ? Alors, au niveau de la sécurité, on fait appel, par exemple, le samedi soir, il y aura des gens payés pour faire la sécurité. On fait appel à une boîte de sécurité pour gérer la sécurité. Il y aura 5-6 personnes dans le village et autour de la fête. Et autrement, les rues sont barrées par arrêté avec ce qu'il faut pour qu'aucun véhicule ne puisse franchir ces barrières. Très bien, tout est prévu et comme ça, les personnes sont rassurées. Concernant la parade, donc il y a aussi à visiter, on peut le dire, une très belle église. Tout à fait, il y a une très belle église. Mais juste pour faire une parenthèse, c'est vrai que les gens qui veulent visiter le village, on a un raconteur de pays, Françoise Modéran, qui fait visiter par rendez-vous le village. Et c'est vrai que moi, j'habite le village depuis une quarantaine d'années. Et le fait d'avoir fait le tour du village avec Françoise, on apprend plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Donc, on peut donner aussi ses coordonnées, puisque la parade est une bastide, quoi, qui a été fondée en 1265 par Alphonse de Poitiers, frère de Louis de France. Voilà. Donc pour en savoir plus, le mieux c'est de contacter ce raconteur de pays. Oui, qui c'est dira vrai, parce tout. Que la visite dure à peu près 2 heures. Pour 4 euros, on fait vraiment une visite historique de la parade. Et c'est vraiment très intéressant, quoi. Et puis on peut même dépasser et poser plein d'autres questions parce qu'elle est très cultivée, quoi. Voilà, donc rendez-vous à la parade ce week-end, les 18, 19 et 20 août pour cette grande fête. On peut retrouver peut-être le programme sur Internet, sur Facebook ? Alors nous, on a un Facebook, oui. Pour les gens qui veulent, ils vont sur le foyer rural de la parade. Ils trouveront toutes les infos sur la fête. Ils peuvent aller aussi sur Sortir 47. Oui. Et les lotos sont, les Evie de Grenier sont sur les sites Internet qui correspondent à Ville Grenier 47. Et puis voilà, quoi. Très bien. Et puis peut-être laissez-nous un numéro de téléphone pour les personnes qui n'ont pas d'Internet. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'Internet, je vous laisse le numéro de téléphone. Alors, c'est le 06 80 24 62 82. Ça, ce sont pour les infos générales. Et pour les réservations pour le vide-grenier, je vais vous donner, c'est le 06 73 77 74 02. Voilà. Très bien, je rappelle le numéro de téléphone pour les informations, le 06 80 24 62 82. Pascal Etchekopar, merci d'avoir pris le temps de nous présenter cette grande fête de la parade. C'était un plaisir pour moi de parler un petit peu du village. Et puis c'est vrai que, juste pour conclure, c'est vrai que les familles qui participent depuis le début, sont les familles Crouzet, Jean Brugère, Français de Pantagonie, Michel Poz, François Ziriec, ce sont des piliers un petit peu de... Et Keis Van de Velle, ce sont des piliers un petit peu de cette association, quoi. Très bien. Ils sont plus tout jeunes, mais on dit bien, les jeunes... jeunes vont plus vite, mais les anciens connaissent la route. Voilà, exactement. Et c'est sur cette phrase qu'on va refermer cette émission. Je rappelle donc, Pascal Etchekopar, que vous êtes le président du foyer rural de La Parade, qui organise cette grande fête les 18, 19 et 20 août prochains. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très belles fêtes, alors. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Ketia Van Ostende.